Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le grand jeu, l'Afghanistan au cœur des convoitises. Mais attention, il ne faudrait pas confondre un planisphère avec un plateau de jeu de société. Les armées impériales ne sont pas de simples pions que l'on déplace et la stratégie militaire ne se joue pas à coups de dés. Sans doute, y a-t-il toujours des risques, mais d'un côté, c'est de perdre la partie avant d'en recommencer une nouvelle. Et de l'autre, c'est de mettre en place une situation géopolitique complexe. Entre l'Angleterre victorienne et la Russie tsariste, l'Afghanistan est au cœur du grand jeu, celui des rivalités impériales. Et assistons-nous aujourd'hui d'ailleurs à un nouvel épisode de ce grand jeu séculaire. Svetlana Gorchenina, bonjour. Bonjour. À quel moment dans l'histoire commence-t-on à parler de l'Afghanistan en tant que tel, en tant qu'identité? Bon, on commence, disons, à partir du XVIIIe siècle, c'est déjà clairement présent, même si on peut faire un recul beaucoup plus loin. Mais à partir de 1747, il y a déjà un État afghan, donc c'est l'État des Durrani, qui était fondé par les dynasties Sadezaï. Et l'Afghanistan, il commence très très très vite vu comme un espace à prendre, un espace stratégique. Mais pour le moment, donc tout au début du XVIIIe siècle, on les connaît extrêmement mal. C'est presque la terre interdite, il n'y a pas beaucoup de voyageurs, il n'y a pas du tout de commerce, et c'est plutôt des oïdirs qui circulent. Par ailleurs, c'est très très visible au niveau de la cartographie. Cet espace, c'est vraiment une tache blanche sur les cartes, et c'est difficile de s'approcher. Svetlana Gorchenina, vous êtes historienne de l'art, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de l'Asie centrale. Vous avez publié, en tout cas co-dirigé avec Franz Grenet, qui nous a parlé de l'Afghanistan dans le cours de l'histoire, l'ouvrage intitulé « Asie centrale, transfert culturel le long de la route de la soie » et puis également « L'invention de l'Asie centrale, histoire du concept de la Tartarie à l'Eurasie ». Et justement, quand vous nous expliquez que l'Afghanistan se met en place, quelque chose du... une entité en Asie centrale, mais une entité, vous avez dit, comme un espace à prendre. Alors déjà, par qui? Qui souhaite le prendre? Et puis peut-être aussi, pourquoi? Donc, on est vraiment dans cette question des nominations, des concepts, des visions géopolitiques. Donc, d'abord, il faut bien dire que la terminologie n'est pas encore là au rendez-vous au moment dont on parle, au XVIIIe siècle. Jusqu'au début du XIXe, on parle d'un royaume de Kaboul, et pour l'espace plus grand, on parle de la Tartarie, c'est quelque chose assez vague, où on place à peine quelques khanats, comme le khanat de Kakand, l'émirat de Bukhara, ou le Khiva, donc un autre khanat, plus les petits principautés qui se trouvent à Pamir. Donc, et il n'y a pas beaucoup de connaissances à ce sujet. Le terme l'Afghanistan, il vient après. Au début, les Afghans, ils sont essentiellement vus comme un synonyme des Pushtuns. Et justement, donc, cette terminologie, il vient petit à petit. On utilise le terme l'Asie centrale, qui est inventé également donc, tout à la fin du 18e, début 19e siècle. Et cet espace, il est vu au début comme un espace entre quelque chose. Pour aller de la Russie jusqu'à l'Inde, jusqu'à la Chine, il faut traverser cet espace qui est dangereux, qui est compliqué à traverser parce qu'il y a beaucoup de déserts, il y a l'espace inconnu, il y a les tribus sauvages, comme c'était dit à l'époque, il y a des montagnes, mais cette nation, cet espace du centre, donc il devient petit à petit un espace du centre où il faut être. Donc avec du temps, on a cette vision mystique qui dit qu'il faut avoir ce centre à soi pour pouvoir conquérir, avoir tous les continents asiatiques. Donc, et en gros, ce regard des prédateurs, il est dirigé vers l'espace du centre de deux côtés. du côté du nord, donc côté russe, et du côté des sur, du côté des britanniques. Et donc, toutes les spéculations, ils tournent autour de ces deux puissances qui se rencontrent en Asie centrale. Pour aussi bien pour les Russes que pour les Anglais, il y a cette théorie des frontières naturelles. Donc, on cherche les limites jusqu'où l'État peut aller et jusqu'où ils peuvent avancer leur armée ou, comme vous avez dit, leur péon. Donc, ça, c'est un concept. On peut peut-être discuter davantage de ces frontières naturelles, mais d'une manière ou d'une autre, l'Afghanistan est vu comme un espace naturel qui est entouré de tous côtés des montagnes. Et si on prend cet espace, on peut vraiment dominer le monde. Parce que, d'une part, l'Afghanistan est délimité, soi-disant, par Hindou Kush, donc il domine le Madaria. De l'autre côté, au sud, c'est les montagnes de Suleiman, donc il domine l'Inde. Et il y a de l'eau une autre chaîne, Koreh-Bundan, avec l'Iran. Donc, voilà. Pour prendre cet espace-là, qui est un hauteur, qui est bien protégé, il faut aller en avant pour s'approprier de l'Afghanistan. L'Asie centrale, pour utiliser cette expression que vous connaissez bien, et vous le dites, il faut l'utiliser avec soin et avec précaution surtout, cet espace-là, eh bien, attire les convoitises, donc russes au nord et britanniques au sud, parce que les Britanniques sont installés aux Indes. Et pour nous en parler avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Philippe Chassaigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne. Quelle est la vision des Britanniques sur... Alors, j'utilise l'expression Asie centrale pour rendre les choses plus simples. Comment regardent-ils cet espace? Est-ce que c'est un espace qui les intéresse en tant que tel, eux qui sont installés aux Indes? Alors, l'Asie centrale, pour les Britanniques, c'est une zone qui doit servir à protéger les possessions britanniques en Inde. Donc, c'est un espace tampon avec donc les Russes qui progressent justement dans jusqu'au Turkménistan, etc. C'est surtout pour constituer donc un glacis de protection que les Britanniques vont, dans les années 1840, annexer le Sindh, donc la vallée de l'Indus. Ils lorgnent, si je puis dire, du côté de l'Afghanistan pour en faire un État, un protectorat, un État sous contrôle. Et toujours la même perspective de constituer ce glacis de protection pour leur possession en Inde, eh bien, c'est la conquête de la Birmanie, donc sur le flanc est, et puis le Népal aussi passe sous protection britannique, donc sur la chaîne de l'Himalaya. Pour les Britanniques, ce qui est important, c'est le sous-continent indien, hein, donc avec donc toutes les richesses ou les intérêts commerciaux, la perle de l'empire, comme on appelle l'empire des Indes, eh bien, elle doit être protégée, et donc c'est la volonté de constituer ces zones tampons. Et l'Afghanistan donc constitue un élément important pour compléter la ceinture de protection des Indes. Et puis nous avons évidemment une projection mentale de la carte, mais ces cartes, eh bien, nous les voyons, vous savez, avec des traits qui délimitent les pays, et puis même des aplats de couleurs. La Russie au nord, l'Empire britannique des Indes au sud, et entre les deux, eh bien, un territoire, l'Afghanistan, un territoire depuis très longtemps traversé. Nous sommes une terre enserrée par les montagnes de l'Hindou Kush, brûlée par le feu ardent du désert du Nord. De par son relief noir aux crêtes glacées, notre pays était le squelette pétrifié d'un monstre. Nous étions l'Aryan, terre des nobles et des honorables. Nous étions un passage pour toutes les nations, faisant passer les marchandises d'est en ouest. Nous avons étudié les étoiles et commencé à observer l'ordre au milieu du chaos. Nous étions des scientifiques, des philosophes et des conteurs. Cherchant des réponses à des questions qui posaient encore plus de questions, nous commencions à comprendre quelle était notre place dans l'univers. Mais nous vivions entourés d'empires qui se faisaient la guerre. Et c'est ainsi que les frontières ont été définies et redéfinies pendant des milliers d'années. À la tête de ce puissant empire, il y eut Cyrus le Grand, roi de Perse. En ensuite Alexandre le Grand, roi de Macédoine. Puis vint l'Empire Mauryan, Genghis Khan, et d'autres encore. Il y avait chaque fois des effusions de sang, et chaque fois aussi des survivants. Et le scénario se répétait continuellement. Les scénarios qui se répétaient continuellement. C'est un extrait du film d'animation Parvana, un film d'animation sous-titré « Une enfance en Afghanistan » réalisé par Nora Tuoney. C'était en 2017 et justement, il est question de cette notion de frontière. Alors là, sur le temps long, mais dans un film d'animation, Svetlana Gorchenina, justement, la question de frontière, cette notion complexe doit être posée quand il est question de cet espace aujourd'hui couvert par l'Afghanistan. Y a-t-il des frontières ? Bon, et comme c'était dit dans ce petit extrait, toujours il y a eu des frontières, mais ça veut, il faut bien préciser qu'est-ce que nous, on entend sous le terme frontière. Est-ce que c'est le barbelé? Est-ce que c'est une ligne? Est-ce que c'est un espace? Il faut bien dire que les notions de frontières comme nous avons actuellement, c'est quelque chose qui est lié au concept de l'État-nation. Il n'y avait pas ce genre de frontières ni à l'époque des rois perses, ni à l'époque achéménide. C'était un autre système. Donc les frontières que nous avons aujourd'hui, il faut dire clairement, c'est le résultat de cette opposition entre les Russes et les Britanniques au XIXe siècle. Les frontières ont été définies à ce moment-là. Il était défini en plusieurs étapes, coup par coup. C'était des travaux qui était très complexe de tous côtés. Donc, d'une part, et c'était un travail des militaires parce que généralement, ces frontières qui ont été précisées par les commissions russes-britanniques de caractère militaire, très souvent, le traçage des frontières il est terminé par l'opposition militaire. Mais d'autre part, il y a eu des scientifiques qui étaient derrière, qui ont conseillé, qui donnaient leur opinion, qui disaient où ce sera mieux de tracer telle ou telle frontière pour tel ou tel intérêt politique ou économique. D'autre part, il y a eu également le contexte géopolitique général où ni les Russes ni les Britanniques ne pouvaient pas aller jusqu'à les limites qu'ils ont voulu. Ils étaient obligés tenir compte de tous les contextes, qui a perdu où, qui a gagné où, est-ce que c'est l'Allemagne qui monte, est-ce que c'est la France qui monte, est-ce que c'est plus intéressant avoir une union avec l'Angleterre pour les Russes, ou au contraire, il faut provoquer une confrontation. Donc, et à part ça, il y a eu toujours l'idéologie qui était derrière, et qui servait aussi bien aux hommes politiques qu'aux militaires pour pouvoir pousser les frontières en avant. Donc, il y a eu plusieurs idéologies. C'est pas tout ensemble, mais parmi donc une des moteurs assez puissants, il y a eu l'idée de l'Empire d'Alexandre. Donc, tout ce que nous avons entendu dans ce petit extrait. Les figures d'Alexandre le Grand, c'était les figures mythiques. Et les Britanniques qui se sont projetés en Asie centrale, ils se sont vus comme les héritiers directs d'Alexandre le Grand. Il était comme lui, censé porter les civilisations, éclairer les tribus barbares, et il était censé aller jusqu'aux limites de l'Empire d'Alexandre. Donc, et là, ce mythe d'Alexandre le Grand, il se marie avec le mythe des frontières naturelles. Et là, il y a le petit problème. Pour les Britanniques, les frontières naturelles des sphères d'influence britannique, donc parce que là, on ne parle pas des frontières, on parle plutôt des sphères d'influence. Cette limite des sphères d'influence britannique, c'était l'Amudarya. Par ailleurs, les Britanniques n'ont jamais utilisé le terme Amudarya, ils utilisaient le terme Oxus. Donc ça, c'est aussi un signe qui est très très important. Ils ont refusé d'emblée d'utiliser le terme locaux en préférant les termes anciens qui, soi-disant, pouvaient anoblir cet espace. Donc pour les Britanniques, cette limite naturelle qui, selon l'idéologie, était liée au nom d'Alexandre le Grand, c'était la Amudarya. Mais en réalité, Alexandre le Grand, il est passé beaucoup plus au nord. Il était jusqu'à Serdaria, mais jusqu'à Samarcande. Mais ces données n'ont pas été évoquées par les idéologues britanniques parce que c'était beaucoup trop contraignant pour eux à l'égard des Russes. Pour les Russes, c'était un tout petit peu plus compliqué. Ils se présentaient également comme des héritiers d'Alexandre le Grand du point de vue de la grande civilisation. Il était aussi imbibé de cette mission civilisatrice. Ils ont pensé aussi qu'ils vont porter les lumières à l'Asie centrale, mais en même temps, pour les frontières, c'était plus compliqué, parce que ils pouvaient pas prétendre prendre tout l'empire d'Alexandre le Grand, et ils ont choisi comme limite dite naturelle de l'empire russe la chaîne de l'Hindoukouch. Donc, parce que pour eux, c'était évident que comme les Russes, ils avançaient en vague, donc sans voir aucun obstacle sur son parcours, le premier obstacle important, c'était la chaîne d'Hindoukouch. Donc, c'était ça qui était vu comme une frontière naturelle. Donc, voilà, c'est pour dire toutes les complexités de ce processus de projeter les frontières dans l'espace idéologique, politique, géostratégique. Et après, il y a eu un autre procédé, comment il faut les poser sur les cartes. Donc ça, c'était différent. Il faut bien dire que c'est un espace qui était très très mal connu. Et quand il s'agissait de dresser les frontières, donc mettre une ligne sur la carte, il fallait déjà avoir une carte précise. Mais très souvent, toutes les commissions qui partaient sur le terrain, il avait des renseignements assez vagues. Donc, les commissions qui a travaillé pendant les années 80, 81, 82, ils ont eu comme une formation, l'information qui était réunie par Alexander Burns dans les années 30. Et sur le terrain, ils ont cherché des montagnes, des rivières, des villages qui étaient indiqués 50 ans en avant. Très souvent, il n'y avait pas ces villages où il y avait les rivières à changer le lit. Et en gros, c'était à la fois le travail de reconnaissance des terrains, donc le travail cartographique, et la pose des frontières. Et d'autre part, comment il faut poser les frontières si on n'a pas les grandes connaissances au niveau des structures ethniques. Donc, et en gros, comme on n'avait pas de connaissances, les compositions ethniques de tous ces pays n'ont pas été très tenues compte. Donc, c'était vraiment plutôt des réflexions stratégiques qui étaient avancées à ce moment-là. Philippe Chassaigne, justement, dans ce regard britannique que vous pouvez nous apporter, vous êtes l'auteur de La Grande-Bretagne et le monde de 1815 à nos jours, il y a ce mélange, en fait, entre une volonté scientifique de découvrir ces territoires, des intérêts militaires, géostratégiques, et puis même un imaginaire impérial qui se développe. Et l'Afghanistan est au cœur de toutes ces réflexions. Oui, effectivement, l'imaginaire impérial est très très important parce que de même que tout comme les Russes, les Britanniques considèrent qu'ils sont dépositaires de la civilisation et donc ils ont apporté la civilisation aux populations hindoues et musulmanes d'Inde. Ils ont dès le début du 19e siècle lutté contre des pratiques qui leur paraissaient barbares et scandaleuses comme le sacrifice des veuves sur le bûcher de leur époux décédé ou de tuer les enfants, les bébés filles, quoi. Donc il y a cette volonté de civiliser qui est assurée essentiellement par les missions religieuses, que ce soit anglicanes ou évangéliques, des missions protestantes. Et cette conception donc d'apport de civilisation, elle est universaliste, ce qui fait que les Britanniques veulent également donc évangéliser, civiliser les populations qui se trouvent dans cette périphérie de l'Empire des Indes, dans ces régions, ces régions frontalières, tampons, ces zones tampons que j'évoquais tout à l'heure. Mais évidemment, pour ce qui est de l'Afghanistan, c'est quelque chose de très compliqué parce que les populations de l'émirat de Kaboul, l'émirat d'Afghanistan, sont profondément musulmanes, attachées à leur religion. Et de ce point de vue-là, l'intérêt des Britanniques pour l'Afghanistan, c'est finalement en ultime ressort, c'est d'abord l'intérêt stratégique, faire de l'Afghanistan donc un protectorat, un État qui conserverait son indépendance, j'allais dire théorique, enfin un peu plus que temps, mais à côté de l'émir, eh bien il y aurait un représentant général britannique qui lui piloterait la politique extérieure de l'émirat et qui, dans un sens, est favorable aux intérêts britanniques et donc hostile à la puissance russe que l'on tout perçoit comme étant fondamentalement prédatrice sur cette région. Oui, parce que quand les intérêts stratégiques se mélangent aux missions civilisatrices avec ces deux empires, hein, britanniques au sud, donc en Inde, et puis russes au nord, c'est sûr qu'à un moment, ça fait des étincelles. Et justement, Philippe Chassaigne, alors, vous nous l'avez dit clairement, hein, pour consolider les Indes, en tout cas pour protéger les Indes, il faut que l'Afghanistan soit un tampon et rallié aux Britanniques. Pas besoin, d'ailleurs, vous nous l'avez dit, de maintenir des troupes sur le territoire. Il suffit d'avoir des alliés. Pourtant, par deux fois au XIXe siècle, dans les années 1840 et 1880, il y a des guerres. Comment explique-t-on ces guerres ? C'est une volonté des Britanniques de s'installer en Afghanistan ? En fait, les deux guerres anglo-afghanes, 1838-1842 et 1878-1880, si je me souviens bien, c'est-à-dire que pour établir un protectorat, soit la pression amicale, si je puis dire, est suffisante, soit il faut faire des démonstrations de force. Et sentant, parce que le jeu politique est très compliqué en Afghanistan à cette époque-là, donc sentant que la pression amicale du puissant voisin britannique au sud ne suffit pas, effectivement, il y a deux guerres anglo-afghanes et qui d'ailleurs suivent à peu près le même modèle, hein, toutes les deux. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant pour on peut comparer avec la situation actuelle. Ce qui se passe à chaque fois, c'est que les Britanniques donc arrivent en Afghanistan, ils passent par le col de Khyber. Donc aujourd'hui c'est la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, c'est pas dire la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, mais le Pakistan est né de la fin de l'Empire des Indes en 1947. Donc les Britanniques envoient une armée et donc qui passe par le col de Khyber, qui arrive facilement à Kaboul. Pardon. Et puis les Britanniques réalisent que lorsqu'ils sont à Kaboul, ils sont à la capitale, mais ils ne tiennent rien, parce que au bout de quelque temps, il y a toutes les tribus des montagnes qui se soulèvent, et donc là, il n'y a pas d'autre solution pour les Britanniques que de se retirer. Entre Kaboul et le col de Khyber, il y a 5 jours de marche à peu près. Mais en 1842, c'est là que se produit ce que l'on appelle le désastre de Khyber Pass, le désastre du col de Khyber, où l'armée britannique qui était commandée par Lord Elphinstone, eh bien, est quasiment entièrement massacrée. L'image d'Épinal veut que les Afghans aient massacré toute l'armée, sauf un qu'ils ont épargné, le docteur Brydon, qu'ils ont mis sur un cheval et qui est parti jusqu'à Jalalabad pour expliquer ce qui s'était passé. Donc c'est le général Brydon arrive en vue de Jalalabad, et puis on lui demande mais où est l'armée ? Il répond je suis l'armée. Ouais. Et en 1878-80, c'est exactement la même chose, c'est que les Britanniques prennent Kaboul, mais ensuite devant le soulèvement de l'ensemble du pays et des tribus, ils doivent battre en retraite. C'est très intéressant ce que vous nous dites là, effectivement, en écho à l'actualité, de se dire que Kaboul n'est pas le point qu'il faut maîtriser pour maintenir le pays, pour avoir le pays dans sa main, parce que c'est un pays qui est extrêmement divisé, hein. Svetlana Gorchenina, il faut vraiment souligner la structure même, la composition de l'Afghanistan pour comprendre bien la complexité des uns et des autres, que ce soit les Russes ou les Britanniques, et plus près de nous, des États-Unis, pour maintenir le pays. Il était très difficile de saisir l'Afghanistan. Donc oui, c'est très difficile de tout point de vue. Donc du point de vue naturel, on peut dire comme ça, c'est un pays qui est difficilement accessible. Là, on voit de nos jours comment c'était compliqué pour les avions européens et américains organiser l'évacuation, parce que Kaboul même, il se trouve entre les montagnes, même par le temps normal, c'est difficile de piloter dedans. Donc c'est un espace qui est bien protégé de tous côtés. Donc avec ce qui d'ailleurs provoquait cette lutte pour l'école, pour le passage, et le Khyber Pass, comme donc on dit souvent, il est devenu le symbole de cet Afghanistan inaccessible. D'autre part, il faut bien souligner que l'Afghanistan, il était toujours, donc à partir du XVIIIe siècle, composé des royaumes semi-indépendants. En gros, avec les premières dynasties, la dynastie Sadozaï, c'était pas un territoire étatique, c'était pas un état-nation, c'était une structure qui était basée sur l'allégeance personnelle à la famille royale. Donc, ces plusieurs principautés, ils ont manifesté leur loyauté tribale par rapport à un souverain. Donc, on pouvait être pour ou on pouvait être contre. Et donc, ces situations, elles étaient très facilement modifiables, très mobiles. Mais cette situation, elle est finie avec l'augmentation de pouvoir et de leadership des petits royaumes qui se concentraient donc au centre et autour de l'Afghanistan, notamment Herat, et d'autre part avec cette apparition au sud de l'Angleterre et au nord donc la Russie. Et il y a eu toujours beaucoup de prétendants donc pour soi-disant réunir Afghanistan, soit prendre la tête de tous ces royaumes pas mal dispersés. Donc en gros, en Afghanistan qui partagé par cette ligne de Hindoukouch, il y a eu toujours le parti nord et le parti sud, qui était pas mal différent. Le parti sud, il était toujours, sous, en tout cas jusqu'à les années 30 du XXe siècle, il était beaucoup plus sous le pouvoir russe et après sous le pouvoir soviétique. Il était beaucoup plus souvent dans les visées des Russes. Le parti sud, justement, c'était le parti qui était visé par les Britanniques. Mais donc, il y a eu des endroits clés où toutes les tensions ont tourné autour du XIXe siècle. D'une part, c'est Kaboul même, parce que c'était une capitale qui était vue comme capitale à partir du moment où Dost Muhammad Khan, à partir de 1826, a formé un état plus ou moins étendu en Afghanistan. Et après, donc, il y a eu le royaume des Sindh qui était pris dans les années 40 par l'Angleterre, et donc il y a eu toujours les tensions entre Kaboul et les Raj britanniques par rapport à ces espaces. De l'autre côté, il y a eu toujours le problème de Kandahar, parce que là, il y a eu très souvent les descendants de Dost Muhammad Khan qui prétendaient donc installer le royaume indépendant là-bas. Et surtout, le point clé, c'était le royaume de Herat. Donc Herat, c'était vraiment un point extrêmement chaud pendant des décennies. Et par ailleurs, la deuxième guerre anglo-afghane, elle éclate à cause de Herat. Pourquoi ? Parce que pour les Russes, la stratégie, il était assez simple. Avançant depuis le nord, ils ont décidé que la moindre possibilité d'avancer, c'est aller par le désert des Turkmènes, vers la Modaria, vers Merv, et après vers Herat. Herat, elle était vue comme la porte vers l'Inde. Mais ce n'est pas seulement les Russes qui ont visé Herat. De l'autre côté, il était également visé par les chats iraniens. Et notamment, le prétexte essentiel pour les Iraniens était le suivant. Que Herat, c'était la partie de l'empire safavide de jadis et il fallait absolument l'attacher à l'Iran. Donc, il y a eu une expédition qui était lancée en 1837 par le Shah d'Iran, le Muhammad Shah Qajar. Il est venu avec les militaires russes et donc à ce moment-là, les Anglais ont senti une menace directe. Donc et là, c'était le déclenchement de première guerre. Et après, donc il y a eu une deuxième attaque qui était 1856. Donc à ce moment-là, les Britanniques ont été déjà soutenus par Dost Muhammad. Mais cette structure polyvalente où il y a eu toujours des rebelles qui s'amantaient, il était préservé pendant toute cette période. Et en gros, si vous voulez bien, si on analyse tous les émirs, tous les chats qui ont gouverné en Afghanistan au XIXe siècle. Donc, il faut bien préciser qu'ils sont tous appartiennent à la dynastie Bakarzai et Mohammadzai. Donc, Dost Muhammad, le premier qui essaie d'agrandir et réunir l'Afghanistan. Après, donc, son fils, Sher Ali Khan, qui était soutenu par les Britanniques et qui, en gros, c'est lui qui a laissé une partie de Sistan aux Iraniens et c'est lui qui a cédé, en quelque sorte, cette indépendance des Afghans, l'Angleterre. Donc, et c'est lui qui a assisté à une deuxième guerre anglo-afghan, et lui qui était extrêmement néfaste pour lui, parce que lui, il s'enfuit, hein, laissant son tronc à son fils Muhammad Yaqub. Et c'est Muhammad Yaqub qui signe le contrat de Gandamak de 1879. C'est un traité le plus humiliant pour les Afghans, où ils passent leur Khyber Pass aux Britanniques, et l'Angleterre, elle obtient également la possibilité d'installer une mission permanente à Kaboul. Et donc tout ça fait également sous prétexte que l'Angleterre il paye les subsides au Yaqub Bek et que donc désormais l'Afghanistan doit faire ce que les Britanniques disent. Le grand jeu, l'Afghanistan au cœur des convoitises, Svetlana Gorchenina, l'histoire complexe de l'Afghanistan entre les Russes et les Britanniques qui se sont installés aux Indes. Et vous nous ramenez des Iraniens pour complexifier cette situation avec un pays divisé, divisé en tribus. Justement, la question se pose, mais pourquoi les Russes s'intéressent à l'Afghanistan ? La Russie a ressenti une aspiration irrésistible vers l'Orient, comme si elle avait été le jouet d'un sort. Cependant, ce destin est entre autres, même si ce n'est que partiellement, une suite incontournable de toute la vie historique russe précédente. Cette tentation à l'égard de l'Orient a de tout temps été une des caractéristiques de notre politique nationale, qui a toujours trouvé un soutien dans notre opinion publique. Étant voisin de l'Asie centrale depuis l'aube des temps, et portant en soi, à cause du joug tatar, une partie non négligeable de sang oriental, nous ressentons toujours une attirance particulière par rapport à l'Orient. Nouant avec lui habilement et volontiers des liens d'amitié, sans cependant délaisser des vues intéressées à son égard. L'extrait d'un ouvrage publié en 1892 à Saint-Pétersbourg, La question du Pamir et sa signification, où il est clairement expliqué que les Russes sont en ambition d'aller vers le sud, de rejoindre sans doute les mers du sud, mais oups, problème, il y a les Britanniques. Philippe Chassaigne, comment se construit la politique britannique pour comprendre la situation de l'Afghanistan ? Il y a eu des guerres, il y a eu des luttes d'influence, nous entendons parler d'argent, il y a tous les moyens possibles en fait pour étendre l'influence. La politique britannique s'adapte en fait selon les circonstances. Oui, évidemment, les Britanniques sont avant tout des pragmatiques. Mais pour ce qui est des rapports entre la Grande-Bretagne et la Russie, il faut bien voir que tout au long du XIXe siècle, de 1815, le congrès de Vienne jusqu'en 1907 et la conclusion de l'alliance anglo-russe, donc pendant pratiquement un siècle, la diplomatie britannique est foncièrement hostile à la Russie. Russie qui constitue un danger pour les intérêts britanniques. Bon, tout d'abord, en 1815, la Russie sort sensiblement renforcée du congrès de Vienne. Elle progresse donc, notamment avec l'union personnelle entre la Pologne et la Russie sur la tête du tsar. Du coup, en Europe orientale, les Britanniques comptent sur le royaume de Prusse et sur l'Empire autrichien pour bloquer la poussée russe vers l'ouest. Ensuite, les Russes sont effectivement à la recherche de mers, d'un accès à des mers libres de glace l'hiver, hein, parce que la Baltique en hiver est quand même gelée au moins 3 ou 4 mois. Et donc ces mers libres de glace, eh bien il y a la mer Noire et la mer Égée. Problème, oups, comme vous avez dit, problème en mer Méditerranée. Donc il y a deux routes vers les Indes. La première route qui passe par donc Gibraltar, Malte. Chypre, avec ensuite transbordement des marchandises donc à travers la Mésopotamie, puis on rembarque à Bassora pour atteindre l'Inde, et la deuxième route des Indes, c'est celle qui passe par l'isthme puis le canal de Suez, la mer Rouge, Aden, que les Britanniques sur lesquels les Britanniques ont mis la main en 1819, et ensuite l'océan Indien vers l'Inde. Et puis, donc là, les ambitions russes concernant le dépècement de l'Empire ottoman donc sont très mal vues par les Britanniques. Et puis enfin, il y a effectivement le rêve, l'utopie, parce que c'était assez peu réalisable sur le plan pratique, mais des Russes, d'avoir un port soit sur le golfe arabo-persique, soit sur l'océan Indien. Et là encore, c'est considéré par les Britanniques comme étant une menace, une volonté prédatrice envers leur position en Inde. Donc voilà, les Britanniques ont effectivement, entre 1915 et 1907, une hostilité qui est fondamentale vis-à-vis de la Russie, qui est perçue comme étant une menace pour leurs intérêts en Europe orientale, concernant l'équilibre européen, en Méditerranée et dans l'océan Indien. D'où l'importance de maîtriser l'Afghanistan comme zone tampon, voilà. Parce que quand ils ne s'imposent pas militairement, les Britanniques, on le sait bien, trouvent d'autres moyens de persuasion. Quoi ? Tu veux m'aider ? Sans aucun doute. Entre autres, faire en sorte que jamais, jamais tu ne quittes la jungle. Et de quelle façon ? Oh, j'ai quelques moyens subtils en réserve. Mais pour cela, il faut avoir confiance. Je n'ai plus confiance en personne. Oh, je ne te le reproche pas. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Attention, Vanessa. Fais un son sans méfiance. Je suis là. Aie confiance. Le silence propice te berce. Souris et sois complice. Laisse tes sens glisser vers ces délices tentatrices. Tu dors, petit ? Oui. Mais nous ne dormons pas, nous. Un extrait du livre de la jungle, dessin animé de Walt Disney en 1967. Avec le serpent en cas, la voix sublime de Roger Carrel, dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi, le livre de la jungle, d'après le roman de Kipling. Alors ce n'est pas juste pour le plaisir de réécouter cet extrait, Philippe Chassaigne, c'est que Kipling, alors un rôle, mais pas majeur dans toute cette histoire, mais quand même, il a donné un nom à cette rivalité qui se joue autour de l'Afghanistan, c'est le grand jeu. Oui, c'est dans ce roman Kim que le terme apparaît, et même si en fait il ne devient véritablement popularisé qu'au début du XXe siècle, mais c'est lui qui effectivement a forgé l'expression. Disons que la réalité, enfin, est un peu différente de ce que Kipling a écrit, puisque bon, dans ce roman, Kim rêve devient un informateur, un espion, donc pour les Britanniques. C'est une sorte, enfin, un anachronisme, une anticipation, parce que les services de renseignement britanniques au XIXe siècle sont quand même assez embryonnaires. Bien sûr, il y a des espions. Mais c'est plutôt dans les capitales européennes qu'ils vont sévir, si je puis dire. Et bon, Kaboul, c'est pas le quart ni d'espions, quoi. C'est pas Kaboul ni d'espions. Là, ça serait totalement erroné. Mais d'abord par oui. Non, mais justement, je vous propose d'écouter l'extrait dont vous parliez, hein, du roman Kim de Kipling, c'est en 1901, où le grand jeu, l'expression, apparaît. Quant à Kim, il dormit peu. et ses pensées défilèrent en hindoustani. Le jeu n'a pas volé son nom de grand. J'ai été 4 jours marmiton à Quetta, au service de la femme d'un homme dont j'ai volé le livre. Et cela faisait partie du grand jeu. Du sud, Dieu sait de quelle distance, vint le Marat, qui jouait aussi le grand jeu au péril de sa vie. Maintenant, je vais aller loin, toujours plus loin, dans le nord, pour jouer encore le grand jeu. Et je suis Kim. Kim. Kim. Seule. Une personne. Au milieu de tout cela. Marion Malenfant qui nous disait un extrait du roman Kim de Kipling, où il est évoqué qu'il veut aller toujours plus loin vers le nord. Bah oui, c'est sûr, les Britanniques, s'ils veulent aller plus loin vers le nord en partant des Indes, traversent l'Afghanistan, ils vont rencontrer les Russes, et ce qui pose des problèmes. Svetlana Gorchenina, est-ce que cette notion de grand jeu, Philippe Chassaigne l'a nuancé, bien sûr, c'est la plume d'un romancier qui a créé l'expression, est-ce que cette notion de grand jeu vous paraît pertinente pour essayer de comprendre cette longue rivalité entre les Russes et les Britanniques qui se joue autour de l'Afghanistan? Je dirais que c'est une notion qu'il faut prendre avec des pincettes, avec beaucoup, beaucoup d'attention. Donc, première chose, il est très politisé, il est romantisé. Il est apparu chez Kipling dans le roman, mais en fait, il était forgé un tout petit peu plus tôt. On le trouve dans les écrits d'Arthur Canoli qui passait à Bukhara, donc qui était exécuté par l'émir de Bukhara en 1841. Et c'est une expression qui était très utilisé maintenant par les journalistes, essentiellement par les historiens qui ont eu une cercle très spécifique de sources essentiellement anglophones, essentiellement publiées. Donc un exemple symbole de cette tendance, c'est les livres de Hopkirk qui s'alisent comme des romans, où on trouve toujours des grands voyageurs, des espions, donc moustacheux et héraïques qui font n'importe quoi, donc vraiment des Superman à travers de l'Asie centrale. Mais le problème de ce concept, qu'on a un héros individuel qui ne bradeux, qui sillonne toute l'Asie centrale dans toutes les directions, et qui fait tout lui seul. Donc il n'y a pas ni contexte historique généralement, ni, ce qui est le plus important, les voies locales. Parce que donc tous les locaux, donc aussi bien d'Asie centrale, donc le Turkestani, que les Afghans, ils n'apparaissent pas dans cette histoire. Et en lisant ce genre de livre, on a l'impression qu'on assiste à un jeu d'échecs où justement il y a des petits pions sous forme de ces états tampons, Pamir, Afghanistan, Kulja, le Turkestan afghan, le Turkestan chinois, Herat, qui n'ont pas leur propre voie, leur propre destin. Il faut bien dire que c'est en parallèle à cette tendance historiographique, il y a eu une école soviétique qui était complètement différente. Donc, et le but de cette école soviétique, c'était présenter le caractère prédatrice de l'impérialisme du capitalisme britannique. Donc, en même temps, il fallait embellir le capitalisme russe. Il dit donc l'idée de base, c'était montrer que la Russie a toujours porté le paix et la fraternité avec elle. Et donc les Britanniques ont toujours porté les massacres et l'exploitation capitaliste avec eux. Donc, mais heureusement, cette tendance elle est dans le passé. Et il y a quand même une série de publications qui viennent de paraître qui traitent les situations de manière, moins littéraire, moins romantique et plus objectif. Donc il y a les voix locales qui commencent à apparaître et il n'y a plus cette tendance de héroïser les gens qui ont travaillé, qui ont participé à ce grand jeu. Ce grand jeu, justement, effectivement, vous avez bien raison de le souligner, Svetlana Gorchenina, qui s'arrête en 1907, quand est signé un traité entre les Russes et les Britanniques, mais qui en réalité se poursuit. Et la réinterprétation, le réinvestissement du grand jeu par les Soviétiques, c'est passionnant. Vous évoquez justement l'importance des voix locales. Il y a la voix des Russes, la voix des Britanniques, mais il y a aussi les voix locales. Écoutez cette archive de 1967. C'est sur le sol du Pactia que pour la première fois dans son immense empire a été vaincue l'Angleterre. Ce sont les guerriers indomptables de ces montagnes et de ces vallées qui ont mis fin à une domination vieille de plus de 100 ans. S'il a tué beaucoup d'Anglais, là, demandez-lui. Yes. S'il avait un fusil ou un sabre ou comment? Il faut parler très fort, hein, parce qu'il est sous. La pierre à fusil. Un fusil, n'est-ce pas? On tire un dessin. En ce moment-là, il n'était pas des cartouches. Il y a des gens qui se battaient avec les sabres. Mais lui, avec quoi il se battait? Il y a avec le fusil. Cela s'est passé en 1919. Et dans chaque village, on trouve des survivants de ces combats qui ont pris déjà figure de légende. C'est Joseph Kessel que nous venons d'entendre en 1967 lors d'un voyage en Afghanistan qui retrouve des combattants contre les Anglais de 1919. Dites-nous, Philippe Chassaigne, nous évoquons ce grand jeu avec l'expression facile de grand jeu pour expliquer la rivalité entre les Russes, les Britanniques, la notion de tampon quand il s'agit d'Afghanistan. Est-ce que ce grand jeu continue? Est-ce que aujourd'hui encore, nous pouvons dire que l'Afghanistan sert de tampon? C'est en cela que la situation est sans cesse complexe. On le voit bien avec le départ des Occidentaux, hein, depuis le 15 août. Les puissances régionales, Chine, la Chine à 47, je crois, kilomètres de frontière commune avec l'Afghanistan, à l'extrémité est, enfin nord-est de l'Afghanistan, donc la Chine, la Russie s'intéressent évidemment à cette zone. Et puis il n'y a pas que les puissances d'envergure mondiale que sont la Chine et la Russie, mais il y a au sud-est de l'Afghanistan, il y a le Pakistan, parce que le Pakistan n'a jamais reconnu la frontière de 1893, lorsque le Pakistan a accédé à l'indépendance en 1947. Il a considéré que cette frontière qui avait été fixée par les Britanniques et les Russes n'était pas valable. Et en fait, le Pakistan revendique la population pachtoune, elle est partagée à moitié. Elle habite à 50% en Afghanistan, 50% au Pakistan. Et donc, les Pakistanais ont des visées irrédentistes sur ces pachtounes. Alors qu'inversement, l'Afghanistan a toujours considéré que la frontière était intouchable. Oui, c'est donc des frontières complexes qui aujourd'hui posent toujours autant de problèmes. Svetlana Gorchenina, je vous pose la même question. Est-ce qu'il y a un grand jeu qui se poursuit? Pour moi, je préférais plutôt éviter ce terme, mais bien sûr, donc c'est un terme facile et on l'utilise vraiment avec beaucoup de plaisir et volonté par tous les journalistes, par les écrivains, et vous avez une flopée des livres qui est intitulée « Le nouvel grand jeu », « Le nouveau grand jeu », donc, et on peut dire que si on accepte ce terme, oui, les tensions sont encore vives, et donc moi je rebondis sur ce problème de la ligne Durand qui était évoqué tout à l'heure par mon collègue. Oui, c'est une frontière qui pose toujours les problèmes. C'est une frontière qui a posé le problème dès le départ. Donc cette ligne Durand qui était formée après la deuxième guerre anglo-afghan, elle était retouchée après 1947 et à ce moment-là, c'est une frontière qui est presque infranchissable. Elle est tellement fortifiée qu'on voit les tensions. D'une part, c'est le Pakistan qui prétend donc reprendre le parti pachtoun d'Afghanistan. Et de l'autre côté, c'est l'Afghanistan qui prétend reprendre le parti pakistanais, donc avec les populations pachtounes. Donc au cœur de jeu, c'est les régions qui s'appellent Waziristan. Et en gros, il y a les voix locales qui s'en montent déjà plusieurs fois, créer un État indépendant, Pachtounistan. C'est une idée qui était évoqué tout au début du XXe siècle, en 1919. Donc, mais bon, pour le moment, c'est un espace qui n'est pas calmé. Et donc, la réaffirmation de cette frontière en 1947, elle est quand même posée énormément de victimes. Il y a 1 million de morts, 18 millions de gens qui ont migré à ce moment-là. Il y a 4 millions de populations qu'on n'arrive pas à retrouver après cet événement. Et donc, ça reste un pli non fermé. Un pli non fermé, justement, qui fait écho à notre actualité où nous voyons bien que l'histoire de l'Afghanistan, la longue histoire de l'Afghanistan, n'est pas uniquement celle d'un territoire en Asie centrale, mais correspond à une histoire beaucoup plus large. Merci vivement, Svetlana Gorchenina. Je rappelle votre ouvrage, hein, Asie centrale, vous l'avez dirigé, Transfert culturel le long de la route de la soie. Et merci beaucoup à vous aussi, Philippe Chassaigne. Et je rappelle vos ouvrages sur l'histoire de l'Angleterre des origines à nos jours et la Grande-Bretagne et le monde de 1815 à nos jours. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Et toute cette semaine, au cœur du monde, nous explorons cette longue histoire de l'Afghanistan pour comprendre ce que nous voyons tous les jours dans l'actualité, avec ce territoire riche de son patrimoine au trésor menacé, mais région convoitée au carrefour des empires, d'Alexandre le Grand au grand jeu des puissances coloniales, et puis des soviétiques aux talibans, bien sûr. L'histoire afghane explique le monde des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.